coup la base s'agite. Les sommes se jettent en plein dans le combat. C'est fou le nombre de graineux que le bordel incite. Tant de galères filées à nos mères. V'là qui leur sort des lions que la merde et que le manque excite. Et que ça saute des beaufs de partout. Aïe, tous les quartiers s'annexent, remplis de bombes. Chaque graine en pose pour moi, entre deux blunts. En face de l'ennemi s'anime mes hommes. Gun réquisitionné, les keufs deviennent des nonnes. Jama FD déterminé en dead zone. Je maintiens ta tête en l'air, il kifferait trop qu'elle tombe. On se confond mal au décor comme Pierre Paul à Kingston. Ça parle plus beaucoup, donc peu de mes gens qui stagnent en fait. On crée la surprise sans stress. Je bouffe la brique et flippe de me jeter la première pierre. Que je me teste, sans complexe. Sans stress aucun, je débarque par derrière, 5 siècles on blesse au cul. Quand je glonne comme un keuf au mic, ma haine s'occupe. Live direct sans clip, Tidy F sous trick en dead zone. Dead zone. Moi et le mic, mon armée, faut plus qu'on perde d'hommes. Dead zone, on est déterminé. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent à baisse, c'est ceux qui nous ont précédés. Au mic, on veut le faire mutuer. Qui veut nous éliminer. Dead zone, on est déterminé. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent armé, c'est ceux qui nous ont précédés. Au moins qu'on veut le permis tuer. Il paraît qu'ils sont tous dead. Sans perdre de temps, seul Redem donne sa tuette. Puisque dans la zone, pour les soldats, c'est bad. Trop de bombes larguées sur nos forces, yo. Trop de balles tirées sous mon Porsche. Why amorce le raid. Toi-même, tu vois que le developer rentre raide. Toi-même, tu sais que c'est pour les ghettos que je plaide. Beaucoup trop d'infâmes, beaucoup trop de bolettes qui disent sa mission et nos man qui trouvent ça faible. Quand le phénomène des faux qu'on soit du même geek. Babylone tape dur pour que les frères cessent. Rebelle au mic, boy, pas d'intermède. Bad boy, faux surtout, pas que tu t'interposes. Sur le champ de bataille, boy, des mines explosent. Sur le sentier de la guerre, trop de soldats sans cause. Vois comment dead son ennemi s'en amuse. Encore trop d'un boy qui du mic qui abuse. Terrain hostile, regarde comment les balles fusent. Déterminé dans ma lutte contre la chose. C'est le mal pour le man, j'ai compris la ruse. Jamaké d'en veille, y'aura battus. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent à baisse, c'est ceux qui nous ont précédés. Au moins qu'on veut le faire mutuer. Qui veut nous éliminer. Dead zone, on est déterminés. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent à baisse, c'est ceux qui nous ont précédés. Au moins qu'on veut le faire mutuer. Qui veut nous éliminer. Sa mère sont tous morts. Tous ces soldats envoyés au front. Censés ne jamais se vendre plus au front. Bordel, sont tous morts. Sont doucement succombé au vice de l'ennemi. Moi aussi glousse ma couille. Difficile de rassembler les necks sous un même idéal. Encore plus dur s'ils sont pris des halls. Créneux qui trouvent drôle ma lutte. Laisse leur ignorance, donne la gaule. Aux vrais soldats, ceux qui ne parlent qu'une fois. Parce que jamais de coup de flûte. Qu'évite de prendre l'argent pour excuse au coup de pute. Donc j'avance crête comme le pen à Barbès. Sauf mon dar blesse. Oh Mike, oh Malcolm, star du X. Ils repartent vex, le son se complique. Quand ils commencent à comprendre, sa mère Selecta donne du mix. Donne le max et continue. Péter sa force. Ceux qu'on voulu test ont fini par cacher le score. Les larmes coulent plus. Donc la haine se laisse cuire. Tiens, on blende ça. Puisqu'on bicrave l'espoir. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent à baisse, c'est ceux qui nous ont précédés. Au moins qu'on veut le faire mutuer. Qui veut nous éliminer. Dead zone, on est déterminés. Et le camouflage sur toutes les terminées. L'argent à baisse, c'est ceux qui nous ont précédés. Au moins qu'on veut le faire mutuer. Qui veut nous éliminer. Développe mes vibes en zone mortuaire. Dead zone.